grandes vacances, nous dormions ensemble. Elle mettait une chemise de nuit, de coton blanc et cru, bien rêche. Et elle se grattait. Elle défaisait son chignon et ses cheveux argentés descendaient jusqu'au bas de son dos. Elle s'appelait Marie ou Edith. Qu'il soit raide ou bouclé, les cheveux vieillissent et les douleurs éveillées accompagnent les nuits qui blanchissent. Les repères de guerre sans guerre ne sont plus que souvenirs. Les rides ne peuvent guérir. Quelque joie les peuples de lumière. Un petit clic, tu tournes le dos. Ce n'est pas chic, mais c'est ton lot. Mais c'est ton lot. Et le vent te porte vers le néant. C'est la claque, je fleuris la bivouac. Dans les yeux mal éclairés, des images s'ouvrent. Et dans les oreilles résignées, des discours et des fêtes éphémères. Dans les jambes bien fatiguées, la lourdeur des ans. Et les pas vers la paix font de l'avarice crâne d'enfant. Un petit clic, tu tournes le dos. Ce n'est pas chic, mais c'est ton lot. Mais c'est ton lot. Et le vent te porte vers le néant. C'est la claque, je fleuris le bivouac. Dans les veines, pas de chance, un sang qui coule d'un cœur en balance, sous armure d'un corps qui s'écroule. Un matin d'enfer, on sonne à la porte. C'est le petit grand-mère qui par la fête pour 100 ans t'emporte. Un petit clic, tu tournes le dos. Ce n'est pas chic, mais c'est ton lot. C'est ton lot. Et le vent te porte vers le néant. C'est la claque, je fleuris le bivouac.